Josué chapitre 7. Mais les enfants d'Israël se rendirent coupables au sujet de l'interdit, car Akan fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zara, de la tribu de Juda, prit de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Car Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui étaient près de Bethavan du côté de l'Orient de Bethel, et leur parla, en disant, « Montez, et reconnaissez le pays. » Ces hommes donc montèrent et reconnurent Aï. Et étant retournés vers Josué, ils lui dirent, « Que tout le peuple n'y monte point mais qu'environ 2000 ou 3000 hommes y montent, et ils battront Aï. Ne fatigue point tout le peuple en l'envoyant là, car ils sont peu de gens. » Ainsi environ 3000 hommes du peuple y montèrent, mais ils s'enfuirent de devant ceux de Haï. Et ceux de Haï en tuèrent environ 36 hommes, car ils les poursuivirent depuis le devant de la porte jusqu'à Sébarim, et les battirent en une descente, et le cœur du peuple se fondit, et devint comme de l'eau. Alors Josué déchira ses vêtements, et se jeta, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poudre sur leur tête. Et Josué dit, « Hélas! Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait si magnifiquement passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains de l'Amoréen, et nous faire périr? Oh que n'avons-nous eu dans l'esprit de demeurer, et que ne sommes-nous demeurés au-delà du Jourdain? Hélas! Seigneur, que dirais-je, puisqu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront, et nous envelopperont, et ils retrancheront notre nom de dessus la terre, et que feras-tu à ton grand nom? Alors l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi le visage contre terre? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée, même ils ont pris de l'interdit, même ils en ont dérobé, même ils ont menti, et même ils l'ont mis dans leur arde. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus un interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous n'exterminez d'entre vous l'interdit. Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit parmi toi, ô Israël. Tu ne pourras subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit d'entre vous. Vous vous approcherez donc le matin selon vos tribus, et la tribu que l'Éternel aura saisie s'approchera selon les familles, et la famille que l'Éternel aura saisie s'approchera selon les maisons, et la maison que l'Éternel aura saisie s'approchera selon les têtes. Alors celui qui aura été saisi en l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, à cause qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel, et qu'il a commis une infamie en Israël. Josué donc se leva de bon matin, et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut saisie. Puis il fit approcher les familles de Juda, et il saisit la famille de ceux qui étaient descendus de Zara. Puis il fit approcher par tête, la famille de ceux qui étaient descendus de Zara, et Zabdi fut saisie. Et quand il eut fait approcher sa maison par tête, Akan fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zara, de la tribu de Juda, fut saisi. Alors Josué dit à Akan, « Mon fils, donne, je te prie, gloire à l'Éternel le Dieu d'Israël, et fais-lui confession, et déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait, ne me le cache point. » Et Akan répondit à Josué, et dit, « J'ai péché, il est vrai, contre l'Éternel le Dieu d'Israël, et j'ai fait telle et telle chose. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de sinar, 200 sicles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 sicles, je les ai convoités, je les ai pris, et voilà ces choses sont cachées en terre au milieu de ma tente, et l'argent est sous le manteau. » Alors Josué envoya des messagers qui coururent à cette tente, et voici le manteau était caché dans la tente d'Akan, et l'argent sous le manteau. Ils les prirent donc du milieu de la tente, et les apportèrent à Josué, et à tous les enfants d'Israël, et ils les déployèrent devant l'Éternel. Alors Josué et tout Israël avec lui, prenant Akan fils de Zara, et l'argent, et le manteau, et le lingot d'or, et ses fils, et ses filles, et ses bœufs, et ses ânes, et ses brebis, et sa tente, et tout ce qui était à lui, les firent venir en la vallée d'Acor. Et Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tous les Israélites l'assommèrent de pierres, et les brûlèrent au feu, après les avoir assommés de pierres. Et ils dressèrent sur lui un grand monceau de pierres, qui dure jusqu'à ce jour. Et l'Éternel apaisa l'ardeur de sa colère, c'est pourquoi ce lieu-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui, la vallée d'Acor.